penser qu'aux autres, pas vraiment à moi. Je n'ai pensé qu'aux autres, sans se soucier. Je n'ai pensé qu'aux autres, et eux ne pensaient qu'à eux. Je ne pensais pas à moi. Penser qu'aux autres sans se soucier de moi. Oh, oh, oh. Ce qu'ils pouvaient penser de moi, je n'ai pensé qu'à eux. Ce qu'ils pouvaient penser de moi, faire tout ce qu'il faut pour eux, pour qu'ils ne disent pas de moi que je suis un lâche, que je me détrousse, que je me délasse.